X au Guatemala. Si la CIA n'a pas été capable de prévoir les attentats du 11 septembre 2001, c'est peut-être à cause de son implication au Guatemala dans la lutte contre-révolutionnaire. C'est sans doute l'une des premières leçons qu'on peut tirer de cette nouvelle conversation enregistrée cette semaine avec M. X. Mais je ne veux pas en dire plus et déflorer le propos de mon interlocuteur. Le Guatemala. Nous en avions déjà parlé avec M. X. Il m'avait alors raconté que ce pays d'Amérique centrale, le plus peuplé, avait été pour la CIA une sorte de terrain d'expérimentation dans la première moitié des années 50. En pleine guerre froide, l'agence américaine avait en effet mis sur pied une opération baptisée Success. Elle visait à renverser le président légitimement élu, Jacobo Arbenz Guzman, coupable de promouvoir une réforme agraire qui portait préjudice aux intérêts américains dans le pays, essentiellement ceux de la puissante United Fruit, qui régnait presque sans partage sur les plantations guatémaltèques. Et ce n'est pas pour rien que l'expression « république bananière » a sans doute été inventée à propos du Guatemala. Les services secrets américains vont alors susciter un putsch préparé depuis l'Honduras, mais préalablement, ils préparent une campagne de désinformation visant à présenter le président Arbenz comme un dangereux dirigeant communiste. Et ça marche. De grands journaux états-uniens acceptent cette version et justifient donc le putsch. Le New York Times reconnaîtra même assez tardivement, en 1997, avoir été manipulé à l'époque par la CIA. Le résultat, c'est l'instauration d'un régime de terreur et le début d'une guerre civile qui ne se terminera que dans les années 90, en principe, car la situation guatémaltèque demeure toujours troublée et la violence y est endémique. Un seul chiffre, avant de rejoindre M. X, les observateurs les plus impartiaux estiment que plus de 200 000 guatémaltèques ont trouvé la mort au cours de cette terrible guerre civile de 40 ans. Dieu sait si l'Amérique latine a longtemps été une terre de violence où la vie humaine était traitée par le mépris. Mais jamais plus que le Guatemala, un pays de cette région, n'a connu une situation aussi atroce. Même le gouvernement dictatorial et sanglant de Pinochet, même le régime impitoyable des généraux argentins n'ont été coupables d'exactions à une aussi grande échelle. Alors, d'après vous, ça a commencé là, avec le renversement du président Arbenz. Oui, quand il a été élu. Mais rappelez-vous, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Le Guatemala sortait d'une longue période noire. Des dictatures. Enfin, inutile d'y revenir. Le prix Nobel de littérature, Miguel Ángel Asturias, a décrit avec férocité ce régime ubuesque. Son livre s'appelait, je crois, Monsieur le Président. Avec Arbenz, donc, les Guatémaltèques avaient donc une bonne raison d'espérer. C'était surtout la réforme agraire qui rencontrait leur adhésion. Il faut en effet savoir que dans ce pays, une vingtaine de familles possédaient plus de 90% de la richesse nationale. Puis il y avait la fameuse compagnie nord-américaine, la United Fruit, qui faisait la pluie et le beau temps au Guatemala. Ouais, comme dans d'autres pays d'Amérique latine d'ailleurs. C'est juste, oui. Cette société exerçait et exerce encore une puissante activité de lobbying aux États-Unis. Et à Washington, on était très soucieux de protéger ses intérêts à tout prix. Un seul détail qui explique bien des choses, John Foster Dulles, secrétaire d'État du président Eisenhower, avait été l'avocat d'une telle faute avant la guerre. Et son frère, Alan, a longtemps été le patron de la CIA. La CIA qui a joué un rôle déterminant dans le putsch qui a renversé Arbenz. Et vous voyez que tout ça, ça se tient. Je voulais aussi souligner d'un point essentiel, c'est la présence au Guatemala d'une importante population indigène. Des Indiens? Des Mayas, plus précisément. Ils sont plus de 60%, une population exploitée, misérable et tenue à l'écart. Et les autres à l'écart? Ce sont ce que l'on appelle là-bas des Ladinos, c'est-à-dire généralement des créoles. Et puis il y a aussi les descendants directs des conquistadors, qui sont les vrais maîtres du pays, autant sur le plan économique que politique. Ça, c'est l'élite. Ouais. La société guatémaltèque est donc très inégalitaire. Excessivement. et Arbenz, qui n'était pas communiste, mais seulement progressiste, entendait peu à peu mettre fin à cette injustice. On ne lui a pas pardonné. Hein. Et le nouveau président, le putschiste Carlos Castillo Armas, élu en 1954 à l'occasion d'élections douteuses, annonce tout de suite la couleur. Il emploie la force contre tous les opposants et fait même bombarder des villages indigènes. Un régime de terreur ? Exactement. Ça lui portera pas chance car ce colonel finira par être assassiné. Par qui, là ? Vraisemblablement par l'un de ses rivaux au sein de l'armée. Et c'est donc un autre militaire qui lui succède. Jusqu'en 1985, à une exception près, l'armée gouvernera directement le pays. Ouais, et ensuite, là ? Bon, on verra l'émergence de présidents civils. Mais l'armée sera toujours présente. Dans les faits, c'est elle qui exercera le pouvoir. Toutefois, n'allons pas trop vite. J'y attendais. Et la CIA continue-t-elle à être présente ? Bien entendu, ne serait-ce que parce que Washington considère que l'Amérique latine est sa chasse-garde. Ouais, ça, c'est la célèbre doctrine Monroe. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'aucune autre puissance que les États-Unis ne peut et ne doit s'ingérer dans les affaires du continent. Est-ce que la politique de répression engagée tout de suite après le renversement d'Arbenz suscite aussitôt la naissance d'une rébellion armée ? Pas tout de suite, non. Mais il est vrai que déjà tous les germes d'une révolte sont en place. Chez les Mayas ? Pas seulement. Les premiers à s'organiser sont des militaires, des partisans de l'ex-président Arbenz, mais aussi de jeunes officiers, paradoxalement, formés par les Américains qui voulaient avoir des hommes à eux dans les armées du continent. Oui, pour lutter justement contre les mouvements de gauche ou d'extrême gauche. Bien sûr. Mais quelques-uns de ces officiers, sans doute par réaction anti-impérialiste, surtout après la victoire de Castro à Cuba, ont choisi de s'opposer à l'ingérence des États-Unis et aux menées de la CIA en Amérique latine. Alors même qu'ils avaient été formés par ces Américains. Ouais. Et au Guatemala, alors ils choisissent la clandestinité ? Oui, et dès 1960, ils passent à l'action. L'action armée ? En 1960, ces jeunes officiers provoquent un premier soulèvement dans l'est du pays. Mais c'est surtout après 1962 qu'on assiste à la création d'une véritable guérilla. Une guérilla dispersée en plusieurs organisations, mais qui obtient malgré tout quelques succès contre l'armée. D'autant plus que la population maya lui est naturellement acquise. Mm-hmm. Mais cette ou ces guérillas d'extrême-gauche sont-elles en mesure de menacer sérieusement le pouvoir guatémaltèque ? En tout cas, les autorités commencent à s'inquiéter. Et bien entendu, ils appellent au secours leurs amis américains afin de venir à bout de ces mouvements insurrectionnels. Et c'est donc à nouveau la CIA qui va intervenir ? C'est évident. En 1965, un agent de la centrale, sous couvert d'un poste de conseiller d'une association américaine d'aide au développement, arrive au Guatemala. C'est un nommé John Longan, un spécialiste qui a déjà fait ses preuves un peu plus tôt en aidant le gouvernement vénézuélien à mater des rebelles en employant la manière forte. Ah oui, donc il a l'expérience. Et là, au Guatemala, comment va-t-il procéder ? Il étudie d'abord la situation, puis il propose au président guatémaltèque un plan pour écraser les forces terroristes, comme il les appelle. Un plan secret, bien sûr, qui porte assez cyniquement le nom d'Operación Limpieza, c'est-à-dire Opération Propreté. Ouais. Très bien, l'espagnol. Et les grandes lignes de ce plan ? Première mesure, la constitution d'une cellule clandestine anticommuniste au sein même de la présidence. C'est cette instance qui sera chargée de coordonner la lutte contre les guérillas en particulier et tous les opposants en général. Et bientôt au Guatemala, on va parler de la Casa Negra. Ouais. La Maison Noire. Oui, ou Chambre Noire. Enfin, un organisme qui inspirera les plus grandes craintes aux contestataires de tous bords. C'est pas si secret que ça, puisqu'on va connaître son existence. Mais c'est peut-être une manœuvre pour mieux distiller la peur dans la population, car cette instance demeurera bien mystérieuse. Deuxième action décidée par Longan avec l'accord du président guatémaltèque, qui est alors le colonel Peralta. L'organisation de raids militaires dans la capitale même, Ciudad de Guatemala. Des raids contre qui ? Contre tous ceux qui sont soupçonnés d'être communistes. Le président Peralta ira même jusqu'à offrir des primes pour tout responsable communiste tué ou arrêté. Ouais, ça c'est un véritable appel à la délation. Et à l'exécution sans autre forme de procès de ces supposés communistes. Pareillement, Longan propose que dans les principales villes du pays soient créées ce qu'il nomme des zones gelées. C'est-à-dire des périmètres où les forces armées et la police auront tout pouvoir et pourront enlever ou même tuer les prétendus terroristes et les opposants. Ouais, tout ça dans... Ce sont des méthodes parfaitement illégales. Ouais, ça, Longan en a cure. Ce qui compte pour lui, c'est la seule efficacité. Mais est-ce que ses chefs à Washington sont au courant ? Naturellement. Longan envoie régulièrement à sa centrale des rapports très circonstanciés. Donc la CIA approuve ? Tout à fait. Comment pouvez-vous en être aussi certain ? Bah d'abord parce qu'en France, dans les services, nous n'ignorions pas grand-chose de ce qui se passait réellement au Guatemala. Comme nous étions sûrs que précédemment, le président Arbenz avait été renversé grâce à la CIA. Mais je vais vous donner une preuve supplémentaire. À la fin des années 90, les Américains eux-mêmes ont déclassifié un certain nombre de documents ultra-secrets. Et parmi ces documents figurent, noir sur blanc, les notes que Longan faisait parvenir à l'anglais siège de la CIA. Monsieur X a évoqué des notes secrètes transmises à la CIA par son agent au Guatemala, John Longan. Document assez récemment déclassifié. Un exemple. En mars 1966, la station de la CIA à Ciudad de Guatemala envoie un câble secret à l'anglais, siège de la centrale. On y lit ceci. La station rend compte de l'exécution secrète de plusieurs communistes et terroristes par les autorités guatémaltèques dans la nuit du 6 mars. Les victimes, Victor Manuel Gutiérrez, leader du PGT, parti guatémaltèque des travailleurs en faisait partie, sont 12 de membres du PGT et d'organisations alliées. Ils ont été enlevés, torturés par les forces de sécurité. L'exécution de ces personnes ne sera pas annoncée et le gouvernement du Guatemala niera qu'elles aient jamais été arrêtées. Cet incident est considéré comme le premier cas de disparition massive dans l'histoire du Guatemala. À l'évidence, Longan, si c'est lui qui a rédigé ce texte, pense que cet exemple donnera à réfléchir aux autres militants. J'ajoute que pendant plusieurs mois, la famille et les proches de ce Gutiérrez ignoreront tout de ce qui lui est advenu. Et Vincent Jauvert, journaliste au Nouvel Observateur, après avoir dépouillé ses archives et déclassifié, écrira, je le cite, « À l'anglais, bien sûr, on se réjouit de la mort secrète qui prive le mouvement révolutionnaire d'un chef charismatique. Sans vergogne, le chef de la CIA à Ciudad de Guatemala écrit d'ailleurs quelques jours plus tard que Gutiérrez était un homme d'une grande culture, honnête et courageux, il était l'un des leaders les plus attractifs pour les travailleurs. Bref, à cause même de ses qualités, il était donc indispensable de s'en débarrasser. Dès la mise en place du plan Longan, l'armée et les forces de sécurité font régner la terreur dans toutes les zones où les guérillas sont implantées. Des militants disparaissent qu'on ne reverra jamais, d'autres sont froidement assassinés, et l'action des forces gouvernementales est d'autant plus efficace que les guérillas sont divisées, bien souvent très pauvrement pourvues en armes. Donc le combat est inégal. Incontestablement. Et des chefs tombent. Yon Sosa, par exemple, un jeune officier de tendance trotskiste qui imagine que la révolution va se propager comme un feu de brousse. En réalité, ce sera plutôt un feu de paille, tant les coups de l'armée sont rudes. Sosa essaye pourtant de multiplier les foyers de guérillas. Mais il meurt dans un accident de voiture. Un vrai accident ? Bah, écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Enfin, un peu plus tard, un autre chef, Luis Turcios Lima, tombe à son tour au cours d'un engagement dont les circonstances n'ont jamais été élucidées. A noter que cet officier avait lui aussi été formé par les Américains, comme Sosa. Entre-temps, pour étoffer le combat contre les guérillas, Longan a demandé à Washington que des conseillers américains soient envoyés au Guatemala. Ah, et parce que l'armée alors, et les forces de police guatémaltèques ne suffisent pas. Non, en parfait accord avec les autorités du pays, Longan ne voudrait pouvoir disposer de techniciens militaires susceptibles de former des guatémaltèques aux techniques d'enlèvement. Oui, des cibles gauchistes. Évidemment. Bien sûr. Et Longan l'avait entendu. Oui, le général Porter est alors le chef du commandement sud des États-Unis et pour cette raison, c'est lui qui coordonne la présence militaire US en Amérique latine. Porter adhère avec enthousiasme à la demande de Longan. Et dans une note envoyée à Washington, il recommande que les États-Unis épaulent totalement les programmes de la police guatémaltèque et soient à l'initiative d'entraînement à la guerre psychologique et aux opérations anti-insurrectionnelles. Et ici, je voudrais faire une parenthèse. Je vous en prie. Hein. Vous vous souvenez sans doute du plan Condor. Ben oui. Ouais. Bon, cette organisation criminelle qui liait entre elles les polices des dictatures d'Amérique du Sud dans les années 70 et 80. Oui, parfaitement. Et lorsque nous en avions parlé, je vous avais dit que ces spécialistes de la guerre antisubversive s'étaient largement inspirés des méthodes que l'armée française avait utilisées d'abord en Indochine, puis surtout en Algérie. Ouais, nous avions fait école. Eh oui, c'est malheureusement la vérité. Et quelques-uns de nos experts sont même allés en Amérique du Sud prodiguer quelques leçons. Et parmi eux, il y avait le trop fameux général Losares. À mon tour, de faire une parenthèse. J'ai retrouvé dans les archives de Rendez-vous avec X la conversation que nous avions eue à l'époque. En voici un extrait. Alors si je vous suis bien, la France a donc une responsabilité indirecte dans ce qui s'ensuivra. On ne peut malheureusement le nier. Remarquez que cette coopération militaire avait aussi un autre avantage pour Paris. Ça permettait d'éloigner quelques officiers français un peu trop remuants qui auraient à l'évidence rejoint le quartier des généraux putschistes d'Alger. Ouais, effectivement, c'est pratique. Et où ça reste alors? Lui, à l'époque, il n'a pas encore mis ses talents au service des militaires d'Amérique du Sud. Ça viendra plus tard. Mais il a déjà été repéré par la CIA et au début des années 60, il devient instructeur à Fort Bragg, une école américaine très confidentielle où sont formées les forces spéciales et les hommes de la CIA. Il y va en tant que représentant des services secrets? Naturellement, il ne pouvait en être autrement. Et répétons-le encore une fois, c'est le spécialiste incontesté de la guerre antisubversive qui a attiré l'attention des Américains. Une guerre qu'il s'apprête d'abord à mener au Vietnam, où ils vont se trouver de plus en plus engagés. L'un des élèves d'Ossarès sera d'ailleurs nommé ambassadeur à Saigon. Et il mettra à profit l'enseignement qu'il a reçu. Ça se traduira par quelques milliers d'arrestations arbitraires et d'exécutions sommaires. Ce que vous dites est très grave, parce que ça signifie que nos services secrets ont été directement impliqués. Il faut le reconnaître. Et plus tard, quand le plan Condor sera mis en place, nous ne manquerons pas d'être immédiatement informés. Mais à cause de ces liens qui ont été tissés au fil des années. Oui. Ouais. Mais comment, enfin, expliquer ou justifier cet engagement français? D'abord, il faut bien avouer que dans les services action, on ne trouvait pas beaucoup de progressistes. Bien au contraire. Il faut rappeler par exemple que le SDEC n'a jamais voulu s'engager dans la lutte contre l'OAS. Ouais, ce qui explique que le gouvernement ait fait appel à des marmouses. Et à d'authentiques truands. La seconde raison est plus terre à terre. C'était quand même la première fois que les Américains reconnaissaient notre compétence. Vous vous rendez compte? La puissante CIA faisait appel à nos spécialistes. Elle leur demandait d'instruire ces cadres. Et ça flattait, comment dire, notre fierté. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi un type comme Ossarès a collaboré sans état d'âme avec ses collègues d'outre-Atlantique. Après tout, pour lui, c'est la même guerre qui se poursuivait, une guerre à l'échelon du monde entier contre la subversion et le communisme au nom de l'Occident chrétien. Ouais. Est-ce que l'enseignement de Ossarès va aussi bénéficier aux agents de la CIA qui vont intervenir en Amérique latine? Forcément. Les pays sont différents, mais les méthodes sont les mêmes. Et les recettes qui ont été utilisées à Alger et au Vietnam vont servir en Amérique du Sud. Et cela avant même l'élaboration du plan Condor, c'est-à-dire avant que les dictatures militaires en place dans les années 70 n'unissent leurs efforts pour lutter contre leurs opposants de gauche. Mais reprenons notre conversation sur le Guatemala. Avant même la mise en place du plan Condor auquel vont participer en particulier les sinistres polices chiliennes et argentines, le Guatemala va servir de laboratoire. Et en somme, c'est la deuxième fois. La première étant Le coup d'État de 1954, un modèle du genre pour la CIA. Le premier putsch organisé par la centrale en Amérique du Sud. Et il sera bien souvent répété. Alors, autre redoutable privilège pour le Guatemala, c'est dans ce pays que vont être expérimentées les méthodes mises au point à Alger par des gens comme Ossarès. Et disons-le tout de suite, elles vont être redoutablement efficaces et meurtrières. On comptera, mais vous devez sans doute connaître ces chiffres, plus de 150 000 morts et quelques 50 000 disparus. Oui, c'est énorme. Enfin, j'imagine que ce massacre, parce qu'on ne voit pas le massacre, ne doit quand même pas totalement passer inaperçu. Bien entendu. Des organisations de droits de l'homme commencent à s'émouvoir et à dénoncer les massacres, les tortures systématiques et les enlèvements. Il y a aussi au moins un fonctionnaire honnête du département d'État américain qui s'affole et envoie des rapports très alarmistes à Washington. D'autres, plus cyniques, envisagent surtout les conséquences pratiques de cette politique. C'est-à-dire Ils se demandent si l'exercice systématique de cette terreur ne risque pas de produire des effets indésirables et même contradictoires avec l'objectif poursuivi. Enfin bref, ces exactions ne vont-elles pas susciter des réactions dans la population et renforcer la sympathie pour les révolutionnaires? Ouais. Et comment réagit Washington? La Maison-Blanche réalise que tout cela devient effectivement embarrassant et même dangereux. Par conséquent, les Américains vont faire pression, ça ne leur est pas très difficile, pour que les choses changent, au moins en apparence. Et en 1966, je crois, un président civil prend en main les destinées du pays. Mais c'est un faux semblant. Ouais, parce que dans la réalité, ce sont les militaires qui continuent à mener la danse. Oui, des militaires qui semblent pris d'une véritable folie meurtrière. Autre précaution prise par les Américains, ils demandent aux autorités guatémaltèques de falsifier la vérité. Les militants révolutionnaires éliminés doivent être considérés comme ayant été tués au cours d'affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les rebelles. Mmh. C'est parfaitement hypocrite, mais ça ne change rien. Bah, forcément, il s'agit seulement de sauvegarder les apparences et de calmer l'opinion internationale. De la même façon, on enverra les officiers les plus compromis dans des ambassades, le temps pour eux de se refaire une virginité. Mais devant tant de violence, les Américains ne tentent-ils rien pour enrayer ce processus? Non. Et savez-vous pourquoi? C'est que cette lutte anti-subversive est très efficace. Et la Maison-Blanche, où va bientôt entrer Richard Nixon, n'entend pas relâcher son effort en faveur des militaires guatémaltèques. Les tueries continueront donc. Monsieur X a parlé d'un fonctionnaire en poste au Guatemala qui a alerté son administration sur les horreurs qui se perpétraient au Guatemala. Ce conseiller diplomatique s'appelle Byron Vecchi et son rapport figure dans les documents déclassifiés publiés récemment. Et le journaliste du Nouvel Observateur, Vincent Jouvert, en fait état ainsi en 1999. Il était seul, seul humain dans l'enfer contre-révolutionnaire. En 1968, Byron Vecchi est un modeste conseiller à l'ambassade des États-Unis au Guatemala. Après 2 ans de terreur, de massacre et de torture, il n'en peut plus. Avant de quitter son poste, il décide de soulager son cœur et son âme. Dans un rapport de 6 pages au secrétaire d'État adjoint chargé des affaires interaméricaines, il dit tout, en vrac. Nous avons fermé les yeux sur la contre-terreur. Nous l'avons, même dans les faits, encouragé ou soutenu. Nous avons été si obsédés par la peur de l'insurrection que nous avons écarté tous nos scrupules. Il écrit aussi, désespéré, le meurtre, la torture et la mutilation sont justes quand c'est notre camp qui les pratique et si les victimes sont communistes. Dégoûté, il écrit encore, j'ai entendu l'argument suivant des gens de chez nous, textuellement. Après tout, l'homme n'a-t-il pas toujours été un sauvage depuis le début des temps? Alors, ne soyons pas trop délicats à propos de la terreur. En conclusion, le diplomate demande sans y croire que l'Amérique retrouve ses valeurs morales et cesse de soutenir des tortionnaires. Malgré ces 6 pages dénonciatrices, Vecchi a continué sa carrière au département d'État où il a plutôt bien réussi. Pourquoi une telle mansuétude de la part de ses patrons? Il dit aujourd'hui, c'est très simple, à l'époque, personne ne l'a lu ce rapport. Mais dans quelle mesure la Maison-Blanche est-elle parfaitement informée et surtout, est-elle directement impliquée? C'est une question qui se pose en permanence. Nous l'avons souvent évoqué. Les services secrets présentent un avantage considérable, justement parce qu'ils sont secrets. Ça permet au gouvernement, tous les gouvernements, de se défausser sur eux lorsque les choses tournent mal. Oui, c'est déjà ce qu'a fait John Kennedy lors de la désastreuse affaire de la baie des cochons. Et François Mitterrand a utilisé la même ficelle pour éteindre l'incendie du Rainbow Warrior. Il a viré le patron de nos services de renseignement et le ministre de la Défense qui était censé les contrôler. Deux fusibles en somme. Exactement, c'est bien pratique. Mais d'un autre côté se pose aussi la question de la manipulation du pouvoir par les services secrets. Il est toujours tentant pour ceux-ci de prendre des initiatives, de susciter des coups tordus qui, une fois commis, piègent le pouvoir et le mettent devant le fait accompli. Et les exemples sont nombreux. Alors, les services spéciaux font donc aussi de la politique? C'est certain. Et à leur manière, ils peuvent se comporter comme des lobbies, en influençant le gouvernement, en falsifiant la vérité, c'est-à-dire en lui donnant des informations truquées. Et sans aller trop loin, on peut par exemple s'interroger sur les prétendues armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein. Qui les a inventés? Les services secrets occidentaux ou les gouvernements anglo-saxons qui voulaient absolument justifier leur guerre en Irak? À suivre. C'est donc un jeu très complexe. Oui, mais il est parfois difficile d'y voir clair. Enfin, je m'éloigne un peu. Pas trop chaud. Dans l'affaire du Guatemala. Il est certain que la Maison-Blanche ne pouvait qu'approuver et même encourager l'action de la CIA dans ce pays. Après tout, pour un Richard Nixon et son conseiller à la sécurité, Henry Kissinger, il s'agissait là-bas de combattre le communisme. Il ne faisait au fond que poursuivre la politique engagée par le président Johnson. Mais encore, fallait-il les persuader de continuer? Et c'est là alors que la CIA va jouer sa propre partition. Oui, je le crois. Et la question devient cruciale en 1971. Pour quelle raison? L'aide financière qui a permis, sous prétexte de soutien au développement guatémaltèque, que le combat contre la subversion vient à échéance. Et le Congrès doit se prononcer sur son renouvellement. La Maison-Blanche doit donc disposer de bons arguments pour convaincre les parlementaires de ne pas relâcher les efforts financiers des États-Unis en faveur du Guatemala. C'est là, à votre avis, que la CIA va intervenir? En effet. Et la centrale convainc sans grande difficulté l'ambassadeur américain au Guatemala d'envoyer un rapport destiné à une commission du Congrès chargée d'examiner cette délicate question. Et qu'a-t-il dans ce rapport, là, l'ambassadeur? Oh, c'est très habile. L'ambassadeur prend acte de la volonté du gouvernement guatémaltèque de lutter contre le terrorisme communiste. Certes, il a constaté certains dérapages, des détentions illégales ou encore des éliminations physiques un peu excessives qui ont même choqué le président guatémaltèque. Enfin, globalement, l'ambassadeur observe que les services de sécurité usent de méthodes orthodoxes dans ce combat contre la subversion. C'est parfaitement faux, hein? Bien évidemment. Le diplomate note d'autre part que si le communisme venait à triompher au Guatemala, on assisterait à une répression autrement plus sévère. En outre, une telle évolution politique serait préjudiciable à la sécurité des États-Unis. Oui, le risque de contagion. Oui, mais l'ambassadeur affirme benoîtement que son pays n'est engagé dans aucune opération terroriste de quelque nature qu'elle soit. Et il ajoute que contrairement à certaines rumeurs colportées par la presse, les fonctionnaires américains du programme de sécurité ne sont nullement associés à des opérations illégales et violentes. Par conséquent, la conclusion s'impose. Oui, donc il faut continuer à aider le gouvernement guatémaltèque. Et à lui envoyer les dollars qui lui sont nécessaires pour combattre la subversion. Enfin bref, l'aide américaine est positive. Et si elle cessait, on risquerait de voir les Guatémaltèques utiliser des moyens encore plus drastiques contre le terrorisme qui les menace. Ouais, c'est cette lettre de l'ambassadeur, ce rapport-là, c'est un monument d'hypocrisie. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Mais ça va marcher. Malgré une violente campagne de presse aux États-Unis, même l'aide américaine va être conduite par le Congrès pour la plus grande satisfaction de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche n'était pas dupe. Bien entendu, Nixon savait très bien que le rapport de cet ambassadeur n'avait été rédigé que pour forcer la main des parlementaires à l'instigation de la CIA. Ben, ça l'arrangeait. N'oubliez pas qu'il le préparait déjà le renversement de Salvador Allende. Et tout ce qui pouvait mettre en évidence la réalité de la menace communiste en Amérique du Sud était le bienvenu. Mais je voudrais vous parler d'un aspect méconnu de l'action américaine au Guatemala. Je vous écoute, là, allez-y. À la fin des années 60, Nelson Rockefeller, homme d'influence et gouverneur républicain de l'État de New York, effectue un voyage au Guatemala. À son retour, il envoie une lettre tout à fait étonnante au président Nixon. Il lui dit que dans ce pays, l'Église catholique a cessé d'être une alliée des États-Unis. Ah oui, à cause de la... ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Oui, le bas clergé, mais aussi certains évêques. Et le phénomène se répandra dans toute l'Amérique latine. Prennent le parti des pauvres contre les régimes autoritaires qui perpétuent les injustices et les inégalités sociales. Au Guatemala, c'est particulièrement visible dans la communauté maya où l'Église catholique jouit d'une grande influence. Ça veut dire aussi que les Indiens mayas ont abandonné leurs croyances ancestrales? Non, mais le clergé catholique s'est très bien accommodé des anciens rites. Une sorte de syncrétisme? Qui s'est instauré presque naturellement. La communauté des fidèles s'est substituée à la traditionnelle société collective où tout était partagé. En outre, les mayas croyaient à l'existence d'une entité supérieure où... d'où procéderait le monde. Et alors c'est devenu le dieu des chrétiens. Oui, enfin, je reviens à Rockefeller. Constatant que l'Église catholique a pris le parti des pauvres, il conseille à Nixon de faire tout son possible pour remplacer ces catholiques par des protestants bontins. Ah oui, alors l'arme de la religion contre la subversion. C'est ça. Et quoi qu'on puisse en penser, c'est assez malin. Expliquez. Ces protestants américains sont essentiellement des conservateurs, des fondamentalistes, surtout dans le sud des États-Unis, ce qu'on appelle la Bible Belt, littéralement la ceinture de la Bible. Généralement pentecôtistes, ils prêchent une religion où la question primordiale est celle du salut personnel. L'individualisme. Oui, ben, je ne vais pas vous faire un cours de religion. La conséquence, c'est que les Américains vont envoyer au Guatemala de véritables bataillons de missionnaires protestants chargés de convertir le peuple et de dénoncer le paganisme catholique. Disposant de fonds propres, mais aussi financés en sous-main par le gouvernement états-unien et peut-être même par la CIA, ces prêcheurs déferlent dans le pays. Et bientôt, ils vont rencontrer un grand succès, surtout chez les plus démunis. Oui, c'est donc la théologie de la libération qu'ils entendent combattre. Et ils sont ainsi en parfaite adéquation avec le gouvernement militaire guatémaltèque et les agents de la CIA présents dans le pays. Ouais, alors, quoi, c'est le sabre et le goupillon, en somme? Ah oui, mais un goupillon protestant. Et consciemment ou pas, ces ecclésiastiques vont être complices de ce qui va suivre et qui sera encore plus atroce que ce que je viens de vous raconter. Voulez-vous que nous en parlions lors d'une prochaine conversation? Alain Rouquier, ancien ambassadeur de France, est l'un des meilleurs connaisseurs de l'Amérique latine. Dans son livre « Guerre et paix en Amérique centrale » paru en 1992 au Seuil, il décrit avec beaucoup de sagacité l'offensive religieuse conduite par les églises protestantes au Guatemala. Je le cite. « Le pentecôtisme propose une interprétation individualiste, pré-millénariste et anti-catholique du christianisme. Il s'agit en effet d'une religion de la sanctification personnelle qui se désintéresse du salut collectif. En général, les églises évangéliques ne cherchent donc guère à conscientiser les pauvres et les déshérités, mais offrent plutôt une structure sociologique qui sacralise l'oppression. Leur succès auprès des couches populaires les plus misérables tient à de nombreuses raisons qui ne sont pas toutes religieuses, mais touchent au domaine moral et parfois indirectement à la politique. Ces religions-refuges permettent souvent aux fidèles de s'évader de réalités insupportables. Centrées sur le perfectionnement de l'individu, elles prêchent un moralisme simple, l'honnêteté fondée sur la lutte contre l'alcoolisme qui fait des ravages dans les milieux populaires centra-américains. Le chrétien born again entretiendra désormais une relation directe avec le Christ. Dans la logique revivaliste, Dieu envoie des signes apocalyptique de sa volonté et de la nécessité de se convertir. Les catastrophes naturelles, l'instabilité politique, la violence sociale offrent les conditions idéales de la conversion à la vraie foi. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous sur le Guatemala. Je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez obtenir des informations biographiques et discographiques.